Bonjour, mais oui. Bonjour. Alors, nous sommes contents, dans le cadre de l'émission Afrique Plus, de vous recevoir et nous vous souhaitons la bienvenue à Ottawa. Merci beaucoup et je dis merci à tous les auditeurs et auditrices d'Afrique Plus de prendre le temps de nous écouter. Là où, en Amérique du Nord, votre premier concert? Non, ça fait certainement plusieurs années que je ne suis pas revenu, mais ce n'est pas la première visite. La première fois que je suis venu ici, c'était pour les Francofolies de Montréal. La deuxième fois, on était venu pour le Spectrum. La troisième fois, aujourd'hui, avec le groupe. Mais sinon, tout seul, j'étais venu pour un documentaire pour Radio-Canada qu'on a réalisé avec Lina Boudreau, qui est une grande chanteuse québécoise dans la région de Moncton. Donc, ça fait, pour ma part, 4 fois que je viens ici, mais avec le groupe, ça fait la troisième fois. Et cette troisième fois intervient 7 ans après, donc c'est vraiment un soulagement pour nous parce qu'on se disait que quelque part le Canada nous avait un peu oublié, mais bon, c'est une chose qui est réparée aujourd'hui grâce à Ego Les Productions qui a eu la bonne idée de nous faire comment commencer. Mais comment commencer? Vous savez, n'importe quel être humain naît avec un don. Moi, je pense que j'étais doué pour la musique et aller aussi entretenir ça. De l'adolescence, je suivais ma mère et mes soeurs à la chorale, à l'église, en commençant par les percussions. Après, j'ai commencé à faire les chœurs et j'ai fait les instruments modernes comme la batterie, la guitare, les basses. Et après l'étape de l'église, j'ai dû monter mon groupe de musique profane et les Génitaux à l'époque. Et c'est avec ce groupe-là que j'ai commencé à vraiment faire mes connaissances dans le métier. Puis, les années 84-85, je suis en. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'engager définitivement dans la section professionnelle. Et donc je suis professionnel de la musique depuis 89 à la faveur de la sortie de mon premier album Aïbébou. Aujourd'hui je suis à mon 9e et l'année prochaine on compte faire le 10e album si Dieu nous donne l'envie. Avant de parler de vos albums, en vos styles de musique, quels sont qu'est-ce qui vous inspire en fait quand vous jouez, vous pensez, vous écrivez vos chansons? Mais en entrant pour la première fois en studio pour enregistrer mon premier album, j'avais voulu me lancer dans une espèce de défi. Et ce défi consistait à révolutionner la musique ivoirienne. On faisait beaucoup de musique empruntée. Le reggae battait en plein, l'ala, le sous, le makossa. Tous les Ivoiriens avaient tendance à imiter les musiques étrangères. Ce défi donc consistait à ce moment-là à faire quelque chose avec notre patrimoine culturel qui n'est pas du tout facile. Arriver à faire et aux Ivoiriens de faire de la musique de chez eux à l'époque, c'était un pari. Donc j'ai œuvré, j'ai opté pour la difficulté. Aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur que je me rends compte que beaucoup d'Ivoiriens consomment Ivoirien et je crois que j'ai pas mal fait de le faire. Donc pour revenir à vos questions, je suis parti de rythmique folklorique du sud de la Côte d'Ivoire, du Gwakan, ceux qui viennent du Ghana. J'ai braillé comme ça plusieurs fois pour en faire une seule musique que j'ai appelée le Zoblazo. Et donc le Zoblazo est parti de là, de toute cette tendance-là, le folklore du sud de la Côte d'Ivoire. Et puis au niveau chorégraphique, la danse des mouchoirs, la danse des mouchoirs blancs qu'on agite en l'air, bouger le. Vous parliez tout à l'heure de votre prochain album qui serait le Milan ou parlez-nous un peu, donnez-nous un avant-goût de cet album qui se prépare. Dans cette envie d'originaliser, de faire quelque chose qui n'existait nulle part ailleurs, je me suis aussi institué ce phénomène de chantage pour identifier mes albums tout simplement, comme si on faisait Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 ou Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, ou comme au cinéma, 100%, 200%. Aujourd'hui, on est à 900%, comme je le disais tout à l'heure, en croyant que je suis, j'espère que Dieu me donnera longue vie pour faire le 1000% l'année prochaine. Que 1000%, je dirais, c'est le titre officieux de l'album à venir, mais qu'un jour ou l'autre, je changerai de concept parce que ça va paraître un peu téléphoné. Je tente toujours à ce que je vais faire alors que j'aime sûr. Et votre style de musique, on a remarqué la musique africaine et avec la modernité, est-ce que vous arrivez à faire ce mélange de la tradition, de la musique, des musiques traditionnelles africaines en fait? fait, comment se fait ce mélange? Dites-nous voir. Oui, c'est sûr que c'est pas facile, d'autant plus qu'aujourd'hui, tendance va vers les musiques qu'on appelle les musiques classiques, les musiques qui sont le reggae, le hip-hop, le jazz, la salsa. C'est des musiques connues partout dans le monde. Alors aujourd'hui, vous faites la salsa, tout de suite, on vous écoute parce que dans le monde, on sait ce que c'est. Mais quand vous êtes pour une musique du terroir, d'ingrédients folkloriques méconnus, c'est pas toujours évident. Donc, moi, réaliser ce que je fais, c'est-à-dire que à partir du moment où je décide de valoriser un folklore précis, je vais dans le village précis pour écouter ceux qui exécutent ce folklore précis, pour m'en imprégner, et avec les bases traditionnelles que je vais cumuler, je rajoute cette touche de musique moderne là-dessus. C'est-à-dire, si dans mon village ou dans un village X ou Y, on fait de la musique traditionnelle avec des tam-tams, des balafons, des djembés, des trucs, je les garde et je rajoute dessus des guitares basses, une batterie, des synthétiseurs, des violons souvent, des cuivres, pour avoir cette touche de modernité, pour faire l'approche sur le reste du monde. Et c'est ce que je fais depuis le début. Ça donne une musique assez colorée, assez contemporaine, mais qui garde sa base traditionnelle, sa base africaine. Parce que je reste un fils du continent africain. Et mon devoir, c'est de défendre le patrimoine culturel africain qui est immensement riche. De votre Afrique, quelle est votre idée en fait de l'Union africaine? Qu'est-ce que vous, parce que en fait vous êtes aussi un porte-étendard, un garde-fou des populations africaines. Les gens vous écoutent, ils s'inspirent de ce que vous dites, de vous faites. De fait, ça vous donne un rôle de leader. Qu'est-ce que vous pensez de cette union africaine qui tarde un peu à venir et à se former? Mais je pense que c'est à la base une très très bonne idée, l'Union africaine, parce que aujourd'hui, quand on parle de la première puissance mondiale, c'est les États-Unis. C'est plusieurs États qui se sont unis pour faire un bloc et qui constituent aujourd'hui la première puissance mondiale. Si on y pense, on sera aussi fort. L'union fait la force. Aujourd'hui, les Européens se sont regroupés autour d'une seule monnaie, qui est l'euro. L'euro est devenu plus fort que le dollar. Donc c'est l'union qui fait la force. Je crois qu'on a intérêt à y arriver, nous les Africains, nous qui sommes aujourd'hui le continent le plus pauvre, le plus en retrait des autres. C'est maintenant qu'il faut qu'on se donne la main pour passer à une autre étape, pour passer à l'étape du développement. Et donc pour revenir à votre question, je dirais que c'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'au niveau de l'équipe dirigeante de l'Union africaine, c'est les bonnes personnes qu'il nous faut qui sont là actuellement? Malheureusement, non. Il y a beaucoup qui ne sont pas des exemples. Il y a peut-être une minorité dans cette équipe dirigeante qui a fait du bon boulot. Je n'en citerai pas pour ne pas faire le jaloux. Mais je dis à 95%, toute l'équipe dirigeante de l'Union africaine est une équipe de hors-la-loi, est une équipe de personnes qui ne sont pas des exemples. Et ce qui fait que nous sommes encore en retrait, en retard sur l'évolution de la chose. Mais on va y arriver un jour, parce que des personnes comme moi qui ont compris en voyageant énormément que les choses ne se passent pas comme ça. Il y en a de plus en plus, même dans la politique, qui ne sont pas connus, mais qui arrivent. Et ces gens-là, quand ils vont arriver enfin, je pense qu'on pourra sauver l'Afrique. Et voilà, c'est un message avec beaucoup d'espoir, et ce qui nous rassure. De l'Afrique, on va parler de votre pays, d'origine de la Côte d'Ivoire. qui a passé des moments troubles où les gens, les Ivoiriens et Ivoiriens se sont réunis, ils se sont dit écoutez, on ne va pas continuer à mettre le feu dans la maison, il faut s'entendre. Qu'est-ce que les Africains parce que vous savez au Kenya il y a des problèmes, au Soudan il y a des problèmes, en Somalie on peut pas, en République démocratique du Congo il y a beaucoup de problèmes dans certains pays. Qu'est-ce que les autres pays peuvent apprendre de l'exemple ivoirien où les Ivoiriens quand même se sont assis autour de la table et se sont dit qu'il faut qu'on arrive à une solution, à une paix durable pour tout le monde, dites-nous voir. Oh, je pense que la Côte d'Ivoire a réalisé un exploit. C'est la première fois que la métropole, si je peux appeler ça comme ça, d'un pays africain, décide comme ça de balayer un chef d'État et que cette métropole n'y arrive pas. En temps normal, c'est 3 jours. Quand la métropole dit enlever le chef d'État là, il nous dérange, il nous embête, il nous énerve, c'est pas le bon gars pour piller votre pays. C'est en 3 jours. Premier jour pour préparer le coup. Deuxième jour pour faire le coup. Et troisième jour pour installer la nouvelle équipe dirigeante et pour balayer l'autre en exil. Chez nous, ça n'a pas été le cas. On a eu cette chance-là d'avoir enfin une équipe dirigeante en Côte d'Ivoire constituée de personnes déterminées. Déterminé à faire la révolution en Afrique, déterminé à se battre enfin pour une indépendance vraie en Afrique. Parce qu'en Afrique, on n'est toujours pas indépendant. Aujourd'hui, on parle d'indépendance à gauche, à droite, 40 ans d'indépendance en moyenne, tous les pays africains, mais est-ce qu'on a les mains libres? C'est ailleurs que notre politique est dicté. C'est ailleurs qu'on nous dit ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a donné l'exemple de la nouvelle indépendance. Et j'espère que ça ouvrira les yeux à tous les autres pays autour de nous. Il va falloir qu'on se prenne en charge, qu'on arrête de compter sur les bailleurs de fonds, qu'on arrête de compter sur les blancs, comme on dit, pour nous donner des crédits, de l'argent, alors qu'on ne peut pas rembourser. Comment on peut prêter à des personnes qui sont surendettées? On va rembourser quand? Il faut qu'on arrête de prêter. Il faut qu'on se prenne en charge. Parce qu'on est le continent, je pense, le plus riche en ressources minières, en ressources agricoles. On peut se prendre en charge, pourvu que nos classes dirigeantes soient déterminées à faire ce pas en avant. J'ai foi en l'avenir, je pense qu'on va y arriver. On va rester en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que vous êtes un fanatique de football. Et peut-être que tout petit vous avez joué un peu au foot, ou peut-être pas, mais tout le monde... Tout le monde prédit l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants, qu'ils prédisent que cette équipe-là va l'emporter pour cette CAN. Alors, dites-nous, en tant qu'Ivoirien, dites-nous un peu votre... Je ne sais pas si vous suivez déjà la Coupe d'Afrique des Nations, mais je ne sais pas pour quelle équipe ou quel pays en Afrique vous penchez. Écoutez, par expérience, j'estime que l'être humain étant imparfait, il n'est pas en bonne position pour faire de bons pronostics. L'être humain imparfait, on n'est pas un exemple de perfection, on a tellement de défauts que faire un bon pronostic, c'est pas pour nous. n'y a que Dieu qui peut faire un bon pronostic. L'équipe ivoirienne est peut-être une très bonne équipe en théorie. Mais n'oublions pas qu'en matière de football, il y a la théorie et la pratique. Quand vous avez une feuille de match, vous avez 11 joueurs superstars, ces 11 joueurs sur le terrain doivent prouver qu'ils sont des superstars. C'est là le plus difficile. Sur le papier, on a ce qu'il faut. Maintenant, sur le terrain, il faut que ça se confirme. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que la Côte d'Ivoire a certes une chance, mais cette chance-là, il faut la matérialiser sur le terrain. Et c'est ce que je souhaite pour mon pays. Mais ce n'est pas gagné d'avance, à mon avis. D'autant plus qu'une équipe comme le Cameroun, qui a perdu lamentablement son premier match, est revenue. Le Cameroun a perdu son premier match contre l'Égypte, certes, l'équipe championne d'Afrique sortant, mais a gagné son deuxième match, a gagné son troisième match, donc est qualifié. Le Nigeria a perdu son premier match contre la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a fait match nul contre le Mali et a gagné contre le Bénin et qualifié. On ne vendait pas cher la peau du Nigeria, qui comptait sur la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Mali pour se qualifier. Voilà des équipes qui reviennent en force. Donc pour moi, ce n'est pas gagné d'avance. Et c'est vrai, on a cette chance-là d'avoir un réservoir de grande valeur sur le plan footballistique en Côte d'Ivoire. Mais tout doit se confirmer sur le terrain, à mon avis. Et on croise les doigts pour les matchs à venir. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre entrevue. Vous arrivez au Canada au mois de février. C'est le mois de l'histoire des Noirs ici chez nous. Alors, vous savez la condition des Noirs en Europe, en Afrique, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Dites-nous un peu voir, quel est le message que vous voulez dire à toute cette communauté qui va vous écouter, qui va écouter cette entrevue pendant ce mois de l'histoire des Noirs au Canada et en Amérique du Nord. Ben, je pense que cette période de l'esclavage est une période très triste de notre existence. Mais à travers cette période triste que nous avons vécue, nous avons, je pense, tiré énormément d'enseignements. Nous avons réussi à se servir de cette période triste pour être aujourd'hui, dans le monde, les personnes les plus cultivées. Le noir aujourd'hui, et c'est ce qui fait peur aux blancs, le noir aujourd'hui est plus fort en réalité. Mais il est plus fort comment? Parce qu'il a connu l'esclavage. Parce qu'il a connu toutes les galères de la terre pour arriver là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le noir, vous le prenez, et je prends mon exemple. Je parle français. Je parle pratiquement anglais, pas aussi bien que le français. Je parle mon patois. J'ai 3 civilisations en moi, tout seul. Mais le blanc, est-ce qu'il parle mon patois? Le blanc, souvent, il est limité qu'à son pays. Le noir, souvent, il regroupe au moins 3, 4, 5 pays en lui. Qui est plus fort que qui? Aujourd'hui, vous retrouvez autant de noirs aux États-Unis. Dans le sport, ils sont les meilleurs. Dans la musique, ils sont les meilleurs. elle est noire. Je pense qu'on a un bel avenir devant nous, pourvu qu'on y croit. Et je dirais, vive l'esclavage. Bon, avant de terminer notre entrevue, je voudrais vous remercier de nous l'avoir accordé. Et je voulais vous demander de nous faire comme une carte postale. Vous dites votre nom. Je m'appelle Mary. Vous écoutez Afrique Plus sur la radio CHUO de l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous faire ça ?